Le chef de la délégation coréenne du parti et de l'État, Choi Ryong-hee, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du Parti du Travail de Corée, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti, en visite à Cuba pour exprimer ses condoléances au décès de Fidel Castro Ruz, dirigeant suprême de la révolution cubaine, a rencontré le 30 novembre Salvador Antonio Valdés Mesa, membre du bureau politique du comité central du Parti communiste de Cuba et vice-président du Conseil d'État de la République cubaine au siège du Conseil d'État. Choi Ryong-hee a transmis respectueusement un message oral de consolation du maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et commandant suprême de l'armée populaire de Corée à l'adresse de Raúl Castro Ruz, premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Cuba, président du Conseil d'État et président du Conseil des ministres de la République cubaine. Salvador Antonio Valdés Mesa a exprimé ses vives reconnaissances au nom du parti et du peuple cubain au respecté maréchal Kim Jong-un de sa visite de condoléances à l'ambassade cubaine et d'avoir envoyé une délégation coréenne du parti et de l'État à l'occasion du décès de Fidel Castro Ruz.